En Corée du Sud, le comité de patronage des prisonniers de conscience du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation a tenu à Séoul le 13 avril le 1118e meeting de jeudi en faveur de la libération des détenus de conscience et de l'abolition de la loi sur la sécurité, selon le journal internet sud-coréen Jeju Sibo.